Bonjour et bienvenue au cours de chinois mandarin avec Pierre Lacasse. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon numéro 1. Il y aura un dialogue de situation qui sera suivi par l'explication du vocabulaire. C'est parti pour le dialogue. Ni hao, ni hao. Ni jiao shenme mingzi? Wo jiao Pierre, ni ne? Wo jiao Mei Li. 请问你是哪里人？ 我是法国人，你呢？ 我是中国人。 再见，再见。Passons maintenant au vocabulaire. Ni hao, ni hao. Bonjour s'emploie à toute heure de la journée. Ni hao, ni hao. Ciao.S'appeler. Exemple, pour dire je m'appelle, on dira Wo jiao, wo jiao, jiao. This audio recording was made with the trial version of Record for All software. You can remove this message by purchasing a copy of Record for All. 什么事？什么事？什么事？名字 nom pour un nom propre 名字名字 exemple mon nom 我的名字我的名字美丽 il s'agit d'un prénom féminin chinois.C'est le nom de notre un personnage féminin dans ce dialogue. Mei Li. Mei Li. Wo. Je. Wo. Je. Wo. Ensuite, tu. Ni. Ni. Qing Wen. Veut dire pardon. Puis-je vous demander? Puis-je vous poser une question ou bien?On pourra aussi le traduire par « Excusez-moi de vous demander. » Shi, être. Shi, exemple, je suis. Wo shi. Nali veut dire « où ». Pour parler d'un lieu, Nali, Nali. Ren, Ren veut dire « quelqu'un, une personne ». Exemple pour dire cette personne, on dira Jake Ren, Jake Ren. La France, Fa Guo, Fa Guo, Ne, Ne. Il s'agit d'une particule placée en fin de phrase interrogative qui ne comporte pas de ton. Nous verrons les tons dans la prochaine leçon.La Chine, Zhong Guo, Zhong Guo, Zhong Guo. Ensuite, au revoir, Zai Jian, Zai Jian, Zai Jian. Zai veut dire encore et Jian veut dire voir. Littéralement, c'est voir encore.Au revoir.